En Bretagne, de Julia Allard Daudet. En Bretagne. Elle ne s'étend pas comme un manteau qui tombe. En Bretagne, la nuit ne vient pas du ciel clair. Elle monte du sol où se condense l'air, des champs emprisonnés, de la grève et la combe. Des rivières suivant le reflux de la mer, laissant fuir en son cours les rubans de leur onde, et mêlant leur douceur avec le sel amer, et leurs flots paresseux à la vague profonde. De l'ossuaire ancien, près du cloître béant, des calvaires dressés en branches étagées. En haut, Notre Seigneur, Sainte Marie et Jean, puis Madeleine et Pierre, et plus bas, des rangées d'apôtres, de soldats, toute la passion, émue et figurée en petites images, où ne manquent les tables, ou l'Annonciation, ni les bergers montrant le chemin au roi mage, ni Judas qui trahit d'un baiser le Sauveur, chacun portant l'emblème ou sculptant le symbole, Véronique et le voile, et l'ange avec sa fleur, le bon Samaritain selon la parabole. La nuit vient du granit qui fait les chemins bleus, des tombes dont le deuil est visible à leurs pierres. Elle vient du passé chrétien ou fabuleux, émergeant de la lande et des hautes bruyères. Julia Allard Daudet, En Bretagne. Extrait de Reflets sur le sable et sur l'eau. Musique de Pascal Grieg, So Far To See. Édité par Musique Libre CC. Sous licence BY-NC-ND 3.0 FR.